Chapitre 2. Le bruit de mille baguettes tambourinant au-dessus de sa tête l'attira de son sommeil, et dans la douceur du lit, elle s'émerveilla de distinguer par la lucarne, non point le tronc des arbres, ainsi qu'elle en avait l'habitude, mais leur cime. La pluie tombait, et l'eau coulant sur la vitre faisait paraître les feuilles plus luisantes. Elle rejeta ses couvertures, passa son jupon, son caraco, s'accouda comme la veille et sourit aux branches, si proche que sa main aurait pu les toucher. Dans son village, rien qu'à voir les jeux de la lumière et des ombres, la couleur du ciel, un chien sur le chemin, une bête au pré, elle pouvait deviner l'heure. Ici, tout lui était étranger, le ciel et la lumière. Elle ne connaissait ni les animaux, ni les gens, et de ne rien savoir de ce qui l'entourait, elle se sentit triste. Le rideau de brume se déchirait peu à peu, découvrant les collines, un hameau au fond de la vallée, puis d'autres. Elle dit, le doigt tendu vers l'horizon. « Voilà Chalus, et voilà les Ormeaux, voilà Brigonde et voilà Menneville. » Un à un, ils perçaient le brouillard de la pointe de leur clocher et de l'échine de leur maison. Les cloches se mirent à chanter matine, d'abord à contre-temps, ensuite à l'unisson, et dans ce chœur où tant de notes se mêlaient, elle n'en écouta bientôt qu'une, la plus menue, mais aussi la plus claire, la plus argentine, la plus douce, qui était celle de son clocher. Alors, elle ouvrit l'imposte, comme si elle avait voulu que cette musique emplisse sa chambre, et se dépêcha de descendre. Les demoiselles étaient déjà dans la cuisine, vêtues, coiffées, chaussées, pareillement à la veille. L'aînée acheva de boire son café au lait qu'elle avait fait chauffer sur une lampe à alcool, et dit sans tourner la tête. Dorénavant, il faudra être plus exact. L'ordre était si parfait dans la pièce que, les bols lavés, Catherine ne sut par où commencer son ouvrage. Enfin, elle se décida à allumer le feu, mais elle le fit avec des gestes maladroits, sentant derrière son dos le regard des sœurs peser sur elle. C'était la première fois qu'elle servait comme bonne, et la crainte de déplaire la paralysait. Par deux fois, les branches s'éteignirent. Au troisième essai, mademoiselle Mathilde la prit par le bras. « Comme ceci !» Mathilde gratta la cendre et souffla jusqu'à ce qu'un brésillon rougît. Les sœurs pliaient leurs serviettes et se levaient. Elle les suivit, sans oser dire qu'elle avait faim, elle aussi. Le salon où elle se tenait d'habitude, où elle pénétra sur leurs talons, lui parut moins sévère qu'à son arrivée et plus beau. Elle admira les meubles, les rideaux, la pendule de bronze, la commode à plateau de marbre, le plancher où des ronds de laine imitant la mousse glissaient sous le pied. À chaque objet qu'elle déplaçait, elle jetait à ses maîtresses un regard interrogateur. Tout ici lui semblait précieux, et elle ne touchait les choses qu'avec la crainte de mal faire. Les demoiselles l'observaient. Aucune des autres servantes n'avait montré tant d'humilité craintive. La soumission de celle-ci leur plut. Le ménage achevé, elles lui montrèrent le jardin. Là, Catherine se sentit tout de suite à son aise. La terre lui était familière, elle aimait son parfum, sa couleur, et même le poids qu'elle accroche aux sabots. À chaque haie de clôture, elle s'arrêtait, croyant avoir atteint la limite du domaine, et quand mademoiselle Solange ou mademoiselle Mathilde expliquaient « C'est encore à nous !» Elle s'émerveillait qu'une propriété close de mur couvrit une si grande étendue. La visite achevée, les demoiselles dirent « Maintenant, il faut vous occuper de la cuisine. » « C'est que, avoua-t-elle timidement, je ne m'y connais guère, à part la soupe et le ragoût. » « Et ça demande des gages !» ricana mademoiselle Solange. « Pour une fille de ferme, nous ne sommes pas en peine d'en trouver une, plus forte, plus habituée que vous. » Catherine baissa la tête et pénétra à sa suite dans la maison. Elle ignorait jusqu'à la minute présente le ton qu'ont les maîtres pour parler aux servantes. Son père et sa mère la rudoyaient quelquefois. Quelquefois aussi, des gens qui l'employaient aux moissons ou aux vendanges l'avaient gourmandée, même fort. Mais les parents, c'est chose naturelle, et avec les employeurs, ce n'est que quelques mauvais jours à passer. Ici, elle avait la sensation d'être installée pour un temps sans limite, et déjà, par-delà l'automne, songeait à l'hiver, au printemps, à l'été, puis à un autre automne, et à d'autres saisons qui tournent autour de vous, comme des personnes, dans une ronde qu'on ne peut pas déchirer. La matinée et l'après-midi s'écoulèrent. À 4 heures, il fit nuit et elle s'installa dans la cuisine près de la cheminée. Bien qu'elle fût habituée au silence, celui-ci lui parut étouffant parce qu'elle ignorait les coins où il s'amassait. Elle cousait, mais bientôt son ouvrage glissait sur ses genoux, et elle restait alors de longs instants immobile, sans penser à rien. Puis au moindre bruit, au craquement d'un meuble, au trot d'une souris dans le placard, elle se dressait et tirait son aiguille. Enfin, l'horloge sonna 6 heures. Presque aussitôt, Mademoiselle Solange parut, les bras chargés de linge, et dit « Voici votre besogne pour demain. » Elle n'osa pas répondre que celle du jour était inachevée et pensa avec une espèce d'angoisse à cette journée à venir qui déjà empiétait sur l'autre, à tant d'heures pareilles et monotones. Le repas des demoiselles servit, elle prit le sien, seule au coin de la table, comme elle avait pris son déjeuner, et se coucha. Une semaine s'acheva. Catherine accomplissait son ouvrage en conscience, passant, docile et résignée, de la buanderie au hangar et de la couture au ménage. Les jours raccourcirent encore et le froid commença de se faire sentir, vague d'abord, sensible surtout dans la maison. Il s'y infiltrait à la faveur d'une porte ouverte, d'un coup de vent roulant dans les cheminées, et, une fois là, n'en sortait plus, bien que de temps à autre le soleil fît mine de réchauffer le jardin. Mais le froid ne s'occupait pas de cela. Il préparait son nid pour l'hiver, et comme on n'allumait pas encore de feu, s'essayait dès le matin à piquer les doigts, à engourdir les pieds, se coulant d'une pièce à l'autre. Novembre, les dernières feuilles qui pendaient aux arbres tombèrent. Mademoiselle Mathilde fit fermer les chambres qui donnaient au nord et ranger les meubles au milieu, sous un drap, ainsi que d'autres font l'été. Tout le jour, on entendait Catherine fendre et scier du bois. Quand on n'y voyait presque plus, elle rentrait dans sa cuisine, les yeux clignotants, les joues rouges, les mains chaudes, les cheveux poudrés de sueur, traînant dans ses jupes une odeur sauvage d'écorce. Ce travail ne l'ennuyait pas. Il détendait ses muscles de fille saine et elle s'acharnait avec des houx et des rires à frapper fort sur l'entraille rose d'un rondin. C'était plaisir de la voir si vaillante, et Mademoiselle Solange, qui de temps en temps venait jeter un coup d'œil dans la grange, s'en émerveillait en rejoignant sa sœur. « C'est un cheval à l'ouvrage !» Mais elle se gardait de la complimenter, trouvant juste qu'elle leur en donna pour leur argent. La première gelée blanche parut enfin, et aussitôt l'hiver. Tout était prêt pour le recevoir, les pommes rangées sur les étagères, les raisins en sachet, les jambons, le lard accroché aux olives. Il n'y eut plus qu'à enflammer les copeaux disposés sous les bûches du salon. Un matin, Catherine dut casser la glace de l'abreuvoir, et comme il faisait vraiment trop froid dans la cuisine, y allumer le feu. « Elle se soigne, » dit Mathilde à sa sœur. Toutes deux supputèrent ce qu'elles pourraient consommer de bois jusqu'au printemps. Le bois n'était encore rien, mais le pétrole. Dès 3 heures, un brouillard jaune collait aux vitres, et il fallait prendre la lampe ou se croiser les bras. Elle-même, à ce moment, cessait de tricoter et parlait, d'une voix qui baissait avec la lumière, jusqu'à ce qu'elles entendissent dans le jardin le pas de Catherine s'apprêtant à fermer les volets. Alors, par économie, elles se décidèrent à lui faire une place auprès d'elle et lui annoncèrent cela comme une faveur dont elle devait se montrer digne. « Vous êtes la première, ce n'est pas notre habitude, on pourra le dire. » Qui le lui eût dit? Elle ne voyait personne. Le boulanger annonçait son passage en sonnant de la trompette et posait le pain 2 fois la semaine devant la porte. Le jardinier ne venait plus, les demoiselles faisaient elles-mêmes leur provision d'épicerie. Pour le reste, on vivait sur la propriété. Catherine remercia, alla acquérir son ouvrage et chercha des yeux une chaise, la plus petite. La lampe placée au milieu de la cheminée dispensait aux 2 sœurs assises, l'une à droite, l'autre à gauche, une lumière égale. Catherine s'installa entre elles et se mit à ourler un torchon. D'habitude, elle chantait en travaillant. Cela lui permettait de ne penser à rien ou de penser à 1000 choses. Elle se sentit gênée de coudre sans remuer les lèvres et se mit à compter les points. Arrivée à 100, Elle s'étonna du chiffre. À 200, elle prit une respiration profonde. À 300, elle fut stupéfaite. Qu'une aiguille courut tant et tant de fois, cela ne tenait-il pas du merveilleux? Et le geste identique sur l'ourlet, qui semblait sans fin, fut dans sa simple tête comme le symbole de son labeur décevant. Quand l'heure fut venue de mettre le couvert, ces demoiselles donnèrent le signal en roulant leur tricot. Catherine plia ses torchons, plus engourdis après ce temps passé près du feu, dans une pièce confortable sur un siège rembourré, qu'après un temps deux fois plus long passé dans sa cuisine mal chauffée, mal éclairée, assise sur un escabeau, mais seule. « Vous voyez comme le travail en commun est agréable, » dit Mademoiselle Solange. « Eh bien, ce sera tous les jours comme cela, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus froid, » conclut Mademoiselle Mathilde. Elle fut sur le point de répondre. « Je préfère ma cuisine. » Mais elle n'osa pas. Ses maîtresses l'intimidaient au point que les mots s'éteignaient sur ses lèvres dès qu'elle voyait leurs yeux fixes de vieille poule. Elle vint donc le lendemain comme la veille, prit sa chaise et se mit à coudre. Mais pendant la nuit, elle avait remué mille pensées. Depuis 3 mois bientôt qu'elle était séparée de ses parents, elle se sentait le cœur noyé, les bras vides, et prise d'un mal de langueur qui lui ôtait le goût de tout. Près d'eux, au moins, si on ne mangeait pas tous les jours à sa faim, on parlait à son aise. On avait le rire des enfants, le bruit qu'ils font en revenant de l'école, le claquement de leurs sabots. Il y avait les choses familières, le merle dans sa cage, le bruit des rameaux qui sèchent jusqu'à la saison nouvelle, le chien qui, sans qu'on sache pourquoi, vous pose tout à coup le museau sur les cuisses et vous regarde, passionnément. On parle des voisins, de leurs chances ou de leurs ennuis, des siens, et même cela remplit le temps. Ici, ce qui l'intéressait n'intéressait personne. Au contraire, il fallait qu'elle prît souci des soucis des demoiselles, de leur maison, de leur linge, de leur manger. Les aiguilles couraient. Sans interrompre son ouvrage, Mademoiselle Solange dit « Il faudra veiller à ce que la pompe ne gèle pas. Puis, si on ne tourne pas les pommes de terre à la cave, elles germeront. » « Vous entendez ? » fit Mademoiselle Mathilde. Catherine semblait ne pas entendre. Elle poursuivait sa méditation de la nuit. « Êtes-vous sourde ou pensez-vous à autre chose ?»« Je voudrais voir mes parents, » dit-elle lentement. Les deux sœurs échangèrent un regard. Pour la première fois, leur servante osait formuler un désir. Le matin encore, elle se félicitait de sa passivité. Ses simples mots, prononcés d'une voix morne, amenèrent un sourire sur leurs lèvres. Tant de sagesse était trop belle aussi, et trop rare. Comme elle, d'autres domestiques avaient paru abdiquer toute volonté pendant quelques semaines. Une phrase presque identique avait marqué le début de la révolte. Mademoiselle Solange articula cassante. « Libre à vous d'aller les voir, mais alors ne comptez pas retrouver votre place. » D'un petit mouvement d'épaule, elle accusa l'arrêt. Mademoiselle Mathilde entrevit les conséquences de ce départ et, plus habile que sa sœur, parla d'un accent moins dur. « Pourquoi voulez-vous nous quitter? N'êtes-vous pas heureuse ici? Manquez-vous de quoi que ce soit? Mangiez-vous mieux chez vous? Étiez-vous mieux couchée? Aviez-vous plus chaud? Vous vivez comme nous? » « Je ne me plains pas. Je voudrais seulement une semaine qu'on n'aurait pas besoin de moi. »« En cette saison, par ce froid, attendez les beaux jours, quand le printemps sera venu. » Catherine soupira. Le printemps, ceux d'autrefois lui semblaient noyés dans une impénétrable brume. Ce qu'on attendait, impossible derrière ces murs où le son même de sa voix l'étonnait. L'hiver, l'espèce de vie monacale qu'elle menait ici, engourdissait sa volonté, au point qu'elle ne savait plus exactement si elle était libre ou prisonnière, et si, malgré son dur travail, elle n'était pas, en échange de ses pauvres gages, l'obligée de ses maîtresses. Mademoiselle Mathilde parlait encore, en phrases simples et logiques, où se mêlaient l'évocation des devoirs d'une servante et de leur charge. L'affection bien naturelle qu'on doit aux siens, et aussi le respect qu'on doit à ceux dont le pain vous nourrit. Catherine pensait que cela n'était pas toujours juste, mais sans pouvoir trouver de mots pour réfuter les arguments. Alors, sans s'appliquer à démêler le vrai du faux, elle murmura. « Ce serait la première fois que je ne serai pas chez nous à la Noël. »« Il fallait le dire, » s'écria Mademoiselle Solange. « C'est pour vous amuser. » Elle ne s'en défendit pas. Quel mal à ce qu'on prenne plaisir à des réjouissances où les êtres qui s'aiment se trouvent réunis. Mademoiselle Solange ne le comprenait pas de la sorte. Le plaisir qu'elle et sa sœur avaient banni de leur existence lui paraissait escorté du mauvais cortège des garçons lubriques, et elle formula « Vous avez un galant, hein ?» Puis, sans lui laisser le temps de répondre. « Toute pareille, ça court, ça roule, et ensuite ça se plaint d'être enceinte, d'accoucher à l'hospice, de traîner la misère avec un marmot sur les bras. » Catherine niait, de la voix et du geste, suffoquée par cette fureur soudaine, ces mots crus et l'évocation d'un avenir affreux. Elle était vierge de corps et d'âme. Dès l'âge de 13 ans, levée à l'aube, couchée la dernière, elle regardait les bêtes qui s'accouplent et les bourgeons qui pointent au printemps d'un œil pareillement tranquille. Jamais une pensée, même fugitive, n'avait troublé son esprit, et il ne lui semblait pas, quand elle peinait, courbée sur la terre, le caraco ouvert, et que la chaleur faisait monter à ses narines l'odeur de son corps, ou le soir quand elle se dévêtait et, pour se délasser, pressait de ses mains rugueuses sa poitrine lisse, qu'on pût attendre quelque chose de son corps, autre que d'être une solide tâcheronne et d'avoir, par un geste dont le secret la laissait indifférente, des enfants qu'elle élèverait comme elle élevait ses petits frères et ses petites sœurs. Mathilde n'avait guère d'illusions sur les filles de la campagne. Elle jugea celles-ci bien retorses ou bien naïves. « Ce qu'on vous a dit n'a rien d'extraordinaire. À votre âge, quelle jeunesse n'a pas un voisin plus poli, plus prévenant que les autres ?» qui lui tient des propos aimables, la fait monter dans sa carriole, l'aide à porter ses paquets. Les mains croisées sur sa laine, le buste infléchi, elle lui tendait le piège de la douceur. « Bien sûr, » murmura Catherine en séchant ses yeux. « Qui, les soirs d'assemblée, la ramène chez ses parents ?»« Comme de juste, » sourit Catherine, évoquant des jours lointains et des nuits où l'air s'égaye de chansons. « Vous reveniez ainsi ?» prononça Mathilde d'une voix presque basse. Elle fit signe que oui, heureuse qu'on parlât enfin de son existence à elle, si attendrie qu'elle oubliait sa tristesse et le désir de s'arracher à sa captivité. « Et naturellement, vous vous disiez des choses. »« Dame !» Mademoiselle Mathilde avança son fauteuil. Jamais le vice, ou ce qu'elle nommait ainsi, ne l'avait frôlé de si près. Elle enflairait l'odeur et le secret sur cette petite. Un brusque désir de savoir de l'amour, autre chose que ce que lui en contait sa sœur, lui fit monter le sang au visage. « Il suffit !» trancha Mademoiselle Solange. Catherine leva les yeux. Était-ce son congé ? Devait-elle plier son ouvrage et retourner à sa cuisine, ou même s'en aller tout à fait ? Mais les sœurs n'ajoutèrent plus un mot. Mademoiselle Solange prit son tricot, Mademoiselle Mathilde le sien, et l'heure du dîner arriva. Seulement, dès qu'elles furent seules, elles se regardèrent, et, pour la première fois de leur vie, avec colère. « As-tu donc perdu toute vergogne pour parler à cette fille comme tu l'as fait ?» gronda Mademoiselle Solange. « Et toi, toute raison, pour lui mettre le marché en main ? Que ferons-nous si elle part ?» répliqua Mathilde. Je ne veux pas chez nous d'une traînée. Je ne veux pas fendre le bois ni casser la glace. La crainte des besognes dont elles avaient perdu l'habitude les calma. C'était un rude hiver, et des jours s'écouleraient encore avant que le beau temps fût revenu. La fille faisait leur affaire. À tout prendre, qu'importait une courte absence, sans compter qu'au retour, elle saurait lui faire rattraper le temps perdu. Elle convint donc de lui laisser prendre ce congé, quitte à la chasser au printemps si elles en trouvaient une autre. Enfermée dans sa chambre et loin de soupçonner ce débat, Catherine ne se faisait point d'illusions. La chandelle éteinte, la lune éclairait les murs blancs et les solives noires. Elle se voyait déjà au coin de l'âtre dans la fumée piquante et goûtait à cet espoir une joie qu'empoisonnait seulement la pensée des mots qui l'accueilleraient à son arrivée. Certes, elle dirait bien Je m'ennuyais de vous, j'étais malheureuse. » Cette explication suffirait-elle à justifier sa conduite? Car le peu qu'elle gagnait ici aidait les enfants et les vieux à vivre. Et doit-on, parce qu'on s'ennuie, laisser périr ceux qui sont trop jeunes ou trop las pour travailler? Elle s'était répété cela combien de fois depuis qu'elle était chez les demoiselles, soit qu'elle essora les lourds paquets de linge, soit qu'elle s'assoupit dans sa cuisine, assise sur un escabeau et les mains pendantes entre les genoux, soit qu'elle tira l'aiguille d'un geste machinal dans le salon, où les portraits avaient l'air de surveiller son travail et de deviner ses pensées. Et chaque fois, cette crainte avait eu raison de ses velléités de départ. Aujourd'hui, elle la surmontait avec plus d'aisance. Un travail obscur s'était opéré en elle dès l'instant que Mademoiselle Mathilde l'avait ramenée à des souvenirs dont elle ne soupçonnait pas la force. L'évocation des promenades nocturnes, les propos échangés avec le voisin, les questions plus précises touchant leurs entretiens, et ces simples baisers qui, dans le moment, ne lui causaient aucun trouble, la laissaient rêveuse à présent, et elle sentait que dans l'existence, il y a autre chose que les soins qu'on donne aux enfants et la peine qu'on prend aux travaux de toutes sortes. Aussi, quand vint le jour, descendit-elle, décidée à partir si on ne lui accordait pas sa permission. Elle trouva les demoiselles assises comme de coutume dans la cuisine, et tout de suite la douceur de leur accueil la surprit. Ce fut l'aînée qui parla, avec effort et sécheresse. « Nous avons réfléchi, vous pouvez aller chez vous. » La cadette enveloppa cette autorisation de mots aimables et de conseils affectueux, et Catherine ne sut d'abord si elle préférait la douceur de l'une ou la rigidité de l'autre. Mais le plaisir et la reconnaissance qu'elle éprouvait firent qu'elle ne s'attarda pas à chercher la solution de ce problème. Jusqu'au soir, elle travailla sans relâche, avec une ardeur joyeuse. Même elle se surprit chantant comme elle descendait l'escalier. Les demoiselles qui l'épiaient pincèrent les narines, et Mademoiselle Solange dit : « Tu as entendu ? Mon avis est qu'elle ne reviendra pas. »